ay, ay, ay, ay, ay, oy, oy, oy, oy, oy. Mettez pas moi. Tout ça, moi, dis ou pas les couettes. Tout ça, moi, fais ou pas les temps. Et t'as dit ça, si ça l'emplace. Moi, du beau, moi, du beau beau. Et t'as dit ça, si ça l'emplace. Alexandre, tu m'as pété, Kaila. Et t'as dit ça, si ça l'emplace. Écoutez, écoutez, écoutez, écoutez, ça qui rit. Wakale a su côté, ça dit ça, si ça l'emplace. Mette bon bois, ça dit ça, si ça l'emplace. Alexandre, tu vas péter Kaila, ça dit ça, si ça l'emplace. On doit aller, on doit aller, on doit aller. Ça dit ça, si ça l'emplace. La qui va péter Kaila, ça dit ça, si ça l'emplace. Hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé. Está listo, está listo, está listo.